Jack, or credulity même, le créateur du monde, n'a jamais eu l'unanimité de ses créatures. Il peut y avoir quelques dissidences. Vous vivez constamment dans vos pays. Les grèves sur les grèves, les protestations sur les protestations. Vous ne dramatisez pas. Mais quand il s'agit de l'Afrique, alors, la Côte d'Ivoire est à feu et à sang, Abidjan est à feu, à sang. Vous êtes venus, vous êtes promenés. Est-ce qu'une seule goutte de sang humain a été versée dans ce pays depuis que je suis président? C'est à 11 ans que je fais le serment de ne jamais faire verser une goutte de sang humain dans ce pays. Dieu m'a aidé, j'ai réussi à tenir cet engagement. Il y a eu des bousculades. Mais allez, vous qui êtes si riche en renseignements, allez demander qui a été blessé pendant ces journées dont vous parlez. Personne. Il faut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Je l'ai dit plusieurs fois, si j'avais à choisir entre l'injustice et le désordre, je n'hésiterais pas à choisir l'injustice. Parce que l'injustice, on a le temps de la réparer. Dans quel contexte se déroule cette allocution présidentielle ? Écoutons l'analyse de l'universitaire et opposant Francis Vaudier, enregistrée un an plus tard dans le cadre de l'émission de RFI « Mémoire d'un continent ».